Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire David Cronenberg, peut-être le plus connu des cinéastes canadiens-anglais dans le monde. C'est un intellectuel, c'est un garçon extrêmement cultivé et qui a des horizons très larges, qui a une vue et un regard sur le monde très, très vaste. C'est extraordinaire, la rencontre de quiconque avec Cronenberg. Oui. On reste marqué par ça. La comédienne Monique Mercure au micro de Minou Petrovski à l'émission Double Expresso en 1992. Monique Mercure qui a travaillé avec David Cronenberg sur le tournage de Naked Lunch en 1991, le festin nu en français, l'un des films importants de Cronenberg qu'il a consacré comme maître d'adaptation en quelque sorte, puisque ce roman de William Burroughs dont s'inspire le film était généralement considéré comme impossible à adapter au grand écran. Le cinéma de David Cronenberg nous plonge à peu près systématiquement dans des univers plus tordus les uns que les autres, mais reste pourtant, la plupart du temps, un cinéma qui sait rejoindre le grand public. C'est une sorte de science-fiction avec des choses qui intéressent le monde, qui aiment la violence et des choses comme ça, et l'aventure. Mais aussi, ça parle d'une histoire des personnes qui ne peuvent pas fonctionner dans le monde à cause qu'ils reçoivent tout le temps les pensées des autres. À cause de ça, c'est une condition qu'on souffre dans le monde, un petit peu. Et puis, toutes les choses que Cronenberg fait a aussi un autre étage de réalité, comme ça. Sur un étage, c'est une histoire, et sur l'autre étage, ce sont des autres histoires, mais il faut voir le film pour les comprendre. Je joue le rôle principal. Je suis le protecteur du monde contre la lutte entre les scanners. Les scanners, ce sont les télépathes, quelqu'un qui peut lire les pensées d'un autre. Et plus que ça, on peut contrôler l'autre par la tête, par le... C'est pas le mot pour « mind » en français. L'esprit. Stephen Lack, l'un des acteurs du film « Scanners » de David Cronenberg. « Scanners » qui est le premier succès important de Cronenberg au début des années 80. Un film qu'il a tourné au Québec. Il en a tourné quelques-uns d'ailleurs au Québec. Et qui va devenir « Scanners » une manière de film culte dans son genre. Pour nous parler du cinéma pour le moins singulier de David Cronenberg, j'accueille ma collègue Hélène Faradji, critique de cinéma et dimestre à la section cinéma à Radio-Canada.ca et animatrice du balado au plein écran sur Première Plus. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour. Alors, comment le décrire, ce cinéma si particulier? Je disais singulier, mais c'est le cas de David Cronenberg. Singulier, c'est un mot assez adéquat pour décrire le cinéma de Cronenberg, parce que c'est un cinéma qui ne ressemble à rien d'autre qu'au cinéma de Cronenberg. Extrêmement violent, mais en même temps très cérébral. Un cinéma qui plonge dans les pulsions humaines, mais aussi les névroses sociales, qui fait se répondre l'intériorité du corps humain et le grand corps social malade. C'est ce qu'on a pu appeler un cinéma malade, mais dans le sens premier du terme, c'est-à-dire un cinéma qui dérange, un cinéma un peu provocateur aussi. De la paranormalité souvent, de l'introspection, c'est toujours trouble. Exactement, un petit trouble. Peu chez Cronenberg. Ouais. Quelle place il occupe, Cronenberg? Je le disais d'entrée de jeu, probablement le plus connu ou l'un des plus connus comme cinéaste du Canada anglais dans le monde. Quelle place il occupe dans cette famille cinématographique canadienne? Je pense qu'il est vraiment à part parce que bon, on a aussi Atome Goyan, on a quelqu'un comme Dipa Mehta, mais qui apparaissent aux yeux du monde cinéphile peut-être comme un petit peu plus respectable. Alors que Cronenberg, c'est vraiment le cinéaste de genre, donc qui a établi sa réputation internationale, mais sur la base d'un cinéma très différent qui va rejoindre un public peut-être un petit peu plus amateur de sensations fortes ou de réflexions très, très dérangeantes sur l'humanité. Donc oui, il a une place complètement à part dans, dans le cinéma canadien et mondial d'ailleurs. Et qui a fait carrière à Hollywood, il n'y en a pas... Ils ne sont pas si nombreux. Paradoxalement, c'est peut-être du fait justement qu'il fait carrière aux États-Unis, mais je pense que c'est plus que ça. J'allais dire, il y a, même si c'est le cinéaste canadien-anglais le plus connu dans le monde, il est très peu canadien dans son cinéma. En fait, on voit parfois des accents européens, parfois des accents, des pointes américaines, mais qu'est-ce qui reste d'authentiquement canadien dans tout ça? Mais je pense que ce qui l'intéresse depuis le début, c'est la notion d'hybridité. Que l'hybridité du corps humain, mais aussi l'hybridité du cinéma. C'est-à-dire, c'est un cinéma qui est à la fois européen, parce que raffiné, cérébral, littéraire, très intellectuel, et en même temps, un cinéma qui puise ses racines dans le cinéma américain, donc avec une vraie efficacité, un récit souvent assez limpide, malgré ce qu'il raconte, malgré le trouble de ce qu'il peut raconter. Donc un récit comme ça très, très efficace, très clair, avec notamment la collaboration avec Howard Shore, son musicien, son compositeur, qui crée de la musique presque hollywoodienne pour ces films-là. Donc c'est ça, un cinéma hybride et peut-être encore plus canadien qu'on l'imagine, parce qu'aux confins d'influences qui sont celles qui nourrissent aussi le Canada. Cette rencontre de l'Amérique et de l'Europe, effectivement... Parlons de ses débuts. Comment il en vient à s'intéresser, Cronenberg, au cinéma, Hélène Faradji? Alors, au départ, en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est la littérature. Il vient d'une famille assez érudite. Sa mère est pianiste, son père est éditeur et écrivain. Et il va commencer par des études en littérature, en anglais. Et puis, finalement, grâce à un de ses amis à l'université, va découvrir... le monde underground new-yorkais. Des films qui sont faits avec trois bouts de ficelle, souvent du cinéma expérimental. Et il va commencer à en faire, comme ça, un petit peu par hasard, des films qui déjà vont manifester un intérêt pour la science, les expériences qui tournent mal, le corps humain qui est démembré, qui est en pleine dégénérescence. Et il va faire ses deux premiers moyens-métrages, presque des longs-métrages, mais des moyens-métrages assez rapidement, au milieu des années 70. Et c'est comme ça que tout va commencer pour lui, de façon presque hasardeuse. Ouais. Avec un premier succès, qui ne sera pas son grand succès. Le grand succès, ce sera La Mouche un peu plus tard. Mais Scanners, dont on parlait au tout début, c'est le premier coup d'envoi, si on veut. Ah oui, tout à fait. Avant ça, c'est vraiment des films produits d'ailleurs par des sociétés de production pornographique. Ouais. C'est vraiment de l'underground. Mais avec Scanners, c'est la première fois qu'il arrive à rejoindre un public, qu'il établit son nom, surtout sur la scène de l'horreur international. On commence à se dire qu'il y a une nouvelle voie en train d'émerger, et c'est grâce à Scanners qu'il va pouvoir faire des films comme La Mouche ou Dead Zone plus tard. Et ça, c'est vraiment La Mouche, The Fly, ça c'est vraiment son premier grand succès populaire. International, en tout cas. Vraiment, c'est un film qui va fonctionner partout. Donc l'histoire de ce scientifique qui va malencontreusement se transformer en mouche à cause d'une expérience qui dérive. Et effectivement, là, on reconnaît l'attrait du cinéma de Cronenberg sur le public, notamment le public jeune, le public des années 80 qui va aller en masse découvrir ce nouveau cinéaste qui vient perturber un peu l'ordre naturel des choses. Bien, puisqu'on parle de perturber l'ordre naturel des choses, ceux qui ont vu le film Dead Ringers, ça nous ramène à 1988, se souviennent sûrement du trouble qu'ils ont ressenti. C'est du Cronenberg, mais vraiment à l'état typique, pur. Ouais. Beaucoup de critiques, d'ailleurs, disent de ce film-là, c'est son œuvre maîtresse. Pourquoi? Bien, probablement parce qu'on y retrouve tous les thèmes qui vont être ceux de Cronenberg par la suite et qui étaient déjà là un petit peu en germe avant, mais peut-être ceux où il les condense le plus. D'abord, le thème du double, qui est un des thèmes qui l'intéresse le plus. Comment le corps se transforme? Comment est-ce qu'on a, des fois, en nous-mêmes, un alter ego qui est notre double maléfique? Parce que c'est l'histoire de deux jumeaux qui sont gynécologues tous les deux et qui échangent tout jusqu'à ce qu'une jeune femme fasse irruption dans leur vie et que l'un des deux décide de ne pas vouloir partager avec son frère. Et donc, on retrouve, c'est ça le thème du double, évidemment le cinéma d'horreur, parce que Cronenberg, pour Dead Ringers, va créer des instruments gynécologiques qui sont proches d'instruments de torture et qui ont vraiment marqué les esprits à l'époque. On va évidemment avoir le thème de la sexualité perverse, les deux frères qui se partagent la même femme, qui n'arrivent plus à évoluer normalement dans une relation avec une femme. On va avoir aussi la folie qui va peu à peu gagner les deux frères jusqu'à un point de non-retour. Bref, tout ce qui constitue le cinéma de Cronenberg et dans Dead Ringers. Et après, on va pouvoir voir tous ces thèmes-là déclinés dans tous les films suivants. Et très vite après Dead Ringers va arriver un film très, très important, Naked Lunch, Le Festin Nu. On est en 1991. Votre femme n'est pas vraiment votre femme. C'est une agente de l'Interzone Incorporated. Vous devez la tuer, liquider John Lee. Ça doit être fait très vite. Cette semaine, j'ajoute qu'il faut faire ce travail avec élégance. Interzone Corporate. C'est une organisation basée dans l'Interzone, ce port franc bien connu de la côte nord-africaine. Un refuge pour tous les laissés pour compte de la Terre. Un cancer gorgé de parasites dans le bas-ventre de l'Occident. Ah, ça, c'est très surprenant. Pourquoi est-ce qu'une Américaine, une femme qui a la classe de Joan, travaillerait pour une boîte aussi merdique que l'Interzone Incorporated? Voyons, qui vous dit que Joan est vraiment une femme? Je dirais mieux, qui vous dit qu'elle est vraiment un être humain? Je comprends pas, là. Oh, je ne peux rien dire de plus. Extrait du film Le Festin Nu, Naked Lunch, réalisé par David Cronenberg en 1991. C'est assez fou, Hélène Faradji, parce qu'évidemment, on est à la radio, on ne voit aucune image, mais on comprend tout. Juste en écoutant l'audio de ce film-là, ce qu'on vient d'entendre, moi, en tout cas, je reconnais complètement l'univers de Cronenberg. Complètement, parce que c'est atmosphérique d'abord et avant tout. William Burroughs, c'était inadaptable. Ouais. En tout cas, c'était la réputation qu'avait ce roman de Burroughs. Et Cronenberg a fait le choix de respecter ce côté-là. C'est-à-dire que c'est un film fou. C'est un film dans lequel on ne peut pas vraiment se retrouver narrativement. On n'a pas vraiment de repères. On ne sait pas très bien qui est qui, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe. Mais ça fonctionne tout de même parce que c'est un voyage à l'intérieur d'un esprit assez torturé. On comprend des choses de façon indicible. Je pense que Cronenberg est peut-être le seul cinéaste mondial à être capable d'aussi bien comprendre l'intériorité humaine et de la transmettre de façon aussi radicale, provocatrice, bizarre, ou en tout cas de montrer des choses que personne d'autre n'arrive à montrer. Et il va le refaire après ça, quand il adapte Don DeLillo pour Cosmopolis, c'est la même chose. Ouais. C'est aussi un roman, donc on disait inadaptable, ballade. C'est un maître de l'adaptation, c'est vraiment. C'est un maître de l'adaptation parce qu'effectivement, il arrive à s'attaquer à des œuvres qui, a priori, ne peuvent pas être mises en image, mais lui y arrive quand même par une espèce de magie un peu étrange. C'est presque un sorcier, Cronenberg. Il y a quelque chose... Non, mais c'est vrai, il y a presque quelque chose de l'ordre de la sorcellerie dans la façon dont il est capable de prendre des œuvres, de se les approprier et d'en retransmettre une essence extrêmement étrange et captivante. Autre film important qui va, là encore une fois, c'est souvent le cas avec lui, mais marquer les esprits, le fameux Crash. Et de ce film, on dit que c'est peut-être son film le plus controversé. Absolument, parce qu'il aborde la sexualité de façon extrêmement provocatrice. En tout cas, pour le grand cinéma mondial d'auteur dont on a l'habitude, lui va beaucoup plus loin. Il va parler de cette fascination qu'ont certaines personnes pour les accidents de voiture, une fascination qui provoque un émoi sexuel. Mmh. Et ça va complètement changer la façon dont les limites de ce qu'on a le droit de montrer ou pas le droit de montrer dans un film. Il est provocateur, je pense qu'il le sait. Ouais. Il en joue de façon assez malicieuse. C'est quand même quelqu'un de très, très, très intelligent. L'extrait qu'on écoutait au début ne mentait pas. C'est quelqu'un qui a une conscience, je crois, extrêmement précise de ce qu'il est capable de provoquer chez les spectateurs. Et avec Crash, je pense que c'est peut-être le film avec lequel il le pousse le plus loin. Beaucoup de tôle tordue dans Crash, mais il n'y a pas que la tôle qui est tordue dans ce film-là. On va dire ça comme ça. Il va recevoir pour ce film Crash le prix spécial du jury en 1996 à Cannes. Quelques années plus tard, en 1999, David Cronenberg va être président du jury au Festival de Cannes. On l'écoute parler de son ambiguïté. Vous allez voir, c'est intéressant. Encore une fois, ce dédoublement, ces deux facettes qui se côtoient toujours, dont vous parliez dès le départ avec Cronenberg, l'identité double. Il est, sur les prix aussi, ambigu. On l'écoute. On the one hand, I'm ambivalent, you know. On the one hand, it's strange to give prizes for art. D'un côté, je suis plutôt ambivalent. J'ai toujours trouvé étrange de récompenser une œuvre d'art avec des prix parce que c'est tellement personnel et tellement subjectif. Mais d'un autre côté, les prix entraînent beaucoup d'excitation. Les gens sont vraiment enthousiastes, ils aiment la compétition et sont très intéressés par les films. They get very competitive and then you get people are very interested. So a film festival like, let's say, Toronto, the International Film Festival, which is not competitive. Un festival international comme celui de Toronto, qui est sans compétition, est intéressant pour découvrir et voir des films, mais il nous importe peu au final de savoir qui sont les lauréats. Alors que le Festival de Cannes, à l'inverse, est justement plus excitant à cause des prix. Je sais que c'est paradoxal. Autant je déteste les prix, autant je préfère un festival qui en attribue. C'est étrange. I hate prizes. I still love a festival that gives prizes. It's strange. Étrange, en effet, c'est un extrait de l'émission de Bouche à oreille en 1999, diffusée en 1999, que vous venez d'entendre. Donc, rapport ambigu par rapport au prix, on y reviendra, mais même par rapport à Cannes, il y a un passage dans un... parce qu'il écrit des romans maintenant, Cronenberg aussi, et il parle de Cannes de manière assez, comment dire, percutante dans ce roman-là. Ben, effectivement, il s'est inspiré de ces délibérations qu'il a pu avoir lorsqu'il était président du jury, pour inclure dans un récit qui est paru en 2014, qui s'appelle Consumer, une description de cet univers des délibérations cannoises. Et comme à son habitude, il est à la fois extrêmement cruel, mais en même temps, c'est une cruauté qui est très lucide, je crois, qui est basée sur une observation assez réelle. Bon, évidemment, c'est fictionnalisé, mais ça reste un moment étrange qui montre son rapport effectivement ambigu à tout cet univers de cinéma qui a l'air de le perturber beaucoup, en fait. Ouais, une espèce de malaise. En même temps, il y prend plaisir. Oui. J'écoutais un extrait d'entrevue en préparant l'émission. Il raconte la première fois qu'il débarque à Cannes où il n'a aucune attente parce qu'il n'a aucune chance de remporter quoi que ce soit. Donc, il aime plutôt ça, mais en même temps, se sent pas complètement dans son élément. Mais j'ai l'impression qu'il se sent dans ce monde du cinéma qui est peut-être plus glamour, plus paillettes, etc., comme un chien dans un jeu de quilles. Ouais. Et quand il a été président du jury, il l'a bien prouvé parce que les films qu'il a récompensés, ce sont des films extrêmement radicaux. C'était Rosetta des frères Dardenne et L'humanité de Bruno Dumont, ce qui avait quand même surpris à l'époque parce qu'on s'attendait à un palmarès peut-être plus consensuel, mais lui avait vraiment été dans des choix extrêmement cinéphiles, pointus, ardus même. Ouais. Et on peut se demander si sans Cronenberg, les Dardenne auraient l'immense carrière qu'ils ont aujourd'hui. En tout cas, cette reconnaissance qu'il a donnée aux Dardenne les a certainement aidés à établir leur nom sur la scène internationale. Revenons sur son malaise par rapport à la remise de prix, mais le fait que, assez étrangement, lui-même, à l'étranger, il va recevoir plein de prix au Canada, mais ne recevra pas tant de prix. Pourquoi, Hélène Faradji? Je crois que c'est lié à son cinéma qui est d'abord et avant tout un cinéma de genre. Et ça, on ne s'en défera pas. Malheureusement, le cinéma de genre a encore ce préjugé contre le cinéma de genre qui est considéré comme un amusement, comme quelque chose qui n'est pas noble, qui n'est pas digne de recevoir des grands prix internationaux. C'est pareil avec la comédie. En général, les réalisateurs qui font de la comédie ou du genre sont plutôt déconsidéré par l'intelligentsia du cinéma mondial. Donc je pense que ça a à voir avec ça. Et je crois que ça a aussi à voir avec son côté très provocateur, très radical, très... On sent qu'il fait un cinéma qui dérange, qui dérange profondément. Alors effectivement, quand il est sélectionné, par exemple, à Cannes avec Cosmopolis, les gens ne comprennent pas tout à fait ce qu'il essaye de faire. Ou alors, ça, c'est des films qui déstabilisent tellement qu'on ne sait pas très bien où les ranger. Donc, pourquoi leur donner un prix? Malheureusement, la réponse n'a pas encore été trouvée. Parler de l'intelligentsia, la critique, évidemment, fait partie de cette intelligentsia du cinéma. Comment seront reçus ces films par la critique? Quel rapport il va avoir, Cronenberg, avec la critique? De mieux en mieux. Je dirais que plus les films sont devenus grand public, et le terme est à prendre avec beaucoup, beaucoup de guillemets, mais vers la fin, enfin, en ce moment, disons, que ce soit Cosmopolis, Maps to the Star, History of Violence, sont des films qui ont été peut-être mieux reçus que les films du début qui divisaient beaucoup plus. Et qui ont changé. Ces films plus récents, en fait, se sont éloignés un peu de du pur aspect horreur, science-fiction. Oui. On est dans de l'intériorité, du cinéma psychologique, tourné vers la psychologie, les questions d'éthique. Tout à fait. Et aussi avec des stars, il faut le reconnaître. Ouais. Cosmopolis avec Robert Pattinson, Maps to the Star avec Julianne Moore notamment. C'est des films qui sont peut-être plus faciles ou en tout cas lisibles par les gens, alors que les films du début, notamment Crash ou même Dead Ringers, c'est des films que les critiques avaient envie d'aimer, avaient envie d'encenser, ouais, mais qui trouvaient un petit peu mal leur place dans une couverture, disons, normale du cinéma traditionnel. On va terminer cette émission avec un extrait d'entrevue de David Cronenberg qui va peut-être vous paraître étrange. Serez-vous étonné? On parle de David Cronenberg. Sur le cinéma, on l'a vu, drôle de rapport avec le Festival de Cannes, drôle de rapport avec la remise de prix dans les festivals, drôle de rapport avec la critique au cinéma. Et puis, écoutez-le, drôle de rapport avec le cinéma. You know, I sometimes say I don't really care about cinema. I'm not really passionate about cinema. J'ai dit à quelques reprises que je me souciais peu du cinéma et que je n'étais pas vraiment un passionné du 7e art. Et d'une certaine façon, c'est plutôt vrai. Because there are people I know, friends like Marty Scorsese. Je connais des gens comme Martin Scorsese par exemple, qui sont véritablement des passionnés du cinéma, qui se préoccupent de sa préservation à travers la restauration des films notamment et qui s'intéressent à son histoire. Mais moi, je ne suis pas comme eux. Ce qui me passionne, c'est l'acte de création, et non pas la forme ou la technologie. Comme je l'ai déjà dit, si le cinéma disparaissait, je continuerais de toute façon à écrire mon roman. And as I say, if cinema disappeared, you know, I'm writing a novel anyway, you know. Plus créateur comme de cinéma, David Cronenberg, qu'en pense la critique de cinéma. Mais c'est drôle qu'il dise ça parce qu'en même temps, c'est un des rares cinéastes qui a parlé de la virtualité, de l'univers virtuel. Par exemple, avec Existence, c'est quelqu'un qui a toujours réfléchi aux médias, à la façon dont on est représenté ou dont les représentations de nous peuvent nous affecter. Donc, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit énormément aux écrans et à la façon dont les récits nous façonnent. Maintenant, je comprends ce qu'il veut dire. C'est pas un grand styliste, Cronenberg. C'est pas un grand créateur de forme. Mais c'est quand même quelqu'un qui, dans ses récits, est capable de réfléchir ce que le cinéma nous fait, comment il agit sur nous, comment les images peuvent nous soit nous perturber, soit nous remplir, soit nous faire dévier de trajectoires plus normales. Mais je pense qu'il est peut-être un petit peu modeste quand il dit que le cinéma ne l'intéresse pas. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et vous savez ce qu'il préfère le plus, il racontait ça dans cette entrevue, par-dessus tout, dans cet univers du cinéma, ce qu'il préfère le plus? Qu'est-ce que c'est? Vous avez une petite idée, L'odeur de la pellicule. Ah, c'est peut-être pour ça, parce que ça n'existe plus la pellicule, ça doit lui manquer. Voilà, donc il va se mettre à faire de plus en plus de romans. C'est un bonheur de vous recevoir, comme toujours. Merci beaucoup, Hélène. Hélène Faradji, critique de cinéma, animatrice du balado Plein écran à Première Plus. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, Caroline Morin et André Martineau à la recherche, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.